Ok, j'ai compris, on s'en sort pas comme ça. On est loin de la vie, Anthony, fuck so ça, on baisse pas. Gratte pas l'amitié, on est QLF, on s'écart. Chacun son chemin, chacun son bénéf. J'm'entors cagoulé, j'rêve dans l'anonymat. On ne pense qu'à mouler sur ma branche comme Chita. Voilà. Qu'on se vend pas, qu'on se baisse pas pour tes mondes. Oh chétan, il donne l'arcul le pépon. 2-3-4 barres soufflées dans la tête des démons. Inch'Allah, on fait du bien. Inch'Allah, on fait du bien. On a fait du mal, j'sais plus pour combien. On a fait du mal, j'sais plus pour combien. Les tarots augmentent comme le prix du bidon. Augmente comme en haine. Tu kifferas moi quand tu verras que mes Vuitton ont vu sur la merde. Pas de futur, voilà. Dans les poches, c'est le passé. Sur le présent, en cadenas. Tant qu'il y a passé, je vois très bien tout ça commence. Je sais pas où tout ça va se finir. On baisse tout avant de partir. Ma putain, la tirelire. Ouais, on est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux, ouais. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Ouais, pas comme ouais. J'attends que la nuit tombe solo, j'écris un tube. Sauvage, un animal au milieu des hommes. Mowgli fait ses premiers pas dans la nature. Transporte le kilo, va te marre en essor. Bam bam bino, bam bam bino. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Correr es tu destino. Ram pam pam pam, ram pam pam pam. Ouais Habiba pour la bac, j't'ai dit je vais te voir dealer. Riche dans l'haram ou pauvre dans l'halal, alors choisis, vas-y dis-le. J'arrive au sommet que quand les péchés sont empilés. La première fois j'suis béton, j'laisse les terrains appuyeux. Seul. Des milliers de soucis et des dizaines de pitchs. Seul, on vendait, tu regardais les télés de pisse. En photo sur Facebook, sur Twitter et en fait. Pas 36 solutions, en photo jusqu'au 36 des orphètes. Mais quand tu dis vous, toi tu cites qui en fait. Prononce mon blast, j'aimerais bien rigoler. Que la famille, les dents frottent l'assiette. Je vais te chercher, le visage sera en cabriolet. Ouais, on est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux, ouais. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Ouais, pas comme eux, ouais. Ouais, on est pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux. Pas comme eux, ouais. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Plus Tony que Sosa. Ouais, pas comme ouais.